sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Je m'appelle Kiwan et dans la prochaine heure, qui va être entièrement francophone comme d'habitude, on va entendre entre autres du Valence Pariétaire et il va avoir les Incendiaires. J'espère aussi peut-être une nouveauté d'Éléphantine et de Duotagne. Pour les nouveautés aujourd'hui, c'est un peu incertain, mais je travaille là-dessus activement. Mais pour commencer l'émission, on va écouter une pièce d'un groupe que j'adore, que j'écoute beaucoup. C'est vraiment l'album qui joue le plus ces temps-ci. Cette semaine, en fait, dans la dernière semaine, c'est sûrement celui qui a le plus joué chez moi, c'est l'album de Numéro qui est quand même sorti il y a quelques mois, ça fait déjà un petit bout de temps, mais bon, je suis toujours un peu en retard sur les tendances, donc je vais aller m'ouvrir un compte Facebook et écouter l'album de Numéro encore une fois. On écoute la pièce Produit numéro 1, c'est très très bon, on écoute ça à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Jeune français, j'aimais le basketball, les dunks de NBA, à la Scottie Pippen. Le mercredi après-midi, je regardais la télé. Hélène, Juliette, je t'aime, m'ont appris à aimer. Le samedi dans la ville, les salles de cinéma, en groupe on fait du bruit et des vieux nous engueulent. Tu viens chez moi demain, on jouera à Zelda, on part à Damondine. Les cinq est là. Finalement, on veut la même chose. On est le même produit et j'ai les mêmes réflexes. Finalement, dans la vie, on veut la même chose. Chambre, je rêvais à Brooklyn, des stars du gangsta rap. J'essayais même des rimes, mais j'avais rien à dire. Moi j'étudiais en droit avec des gens gentils qui révisent leurs examens. Un stage en entreprise, je me rêve la secrétaire. Un genre d'Ali McBeal, juste un peu plus vulgaire. Dans les toilettes, j'y pense et puis je me sens sale. Je rougis devant elle, elle me prend pour. On est le même produit

C'est les incendiaires qu'on vient d'entendre avec la pièce La menace digitale. On avait entendu les incendiaires aussi dans l'émission de la semaine passée, pour ceux qui l'ont écouté. Mais ce qu'il y a de différent cette semaine, c'est que la pièce La menace digitale a fait son entrée dans les palmarès francophones cette semaine. J'espère que ça va monter. C'est très bon, cette pièce-là. Ça vient d'un simple qu'on a reçu ici. Donc, c'est seulement cette pièce-là qui pourrait annoncer le futur album des incendiaires qui est prévu quelque part dans la prochaine année. Pas encore de date d'annoncer. Juste avant ça, on avait entendu Numéro avec la pièce Le produit numéro 1. C'est ce qui avait ouvert l'émission. Et pour continuer tout de suite, qu'on va aller écouter, c'est une nouveauté, en fait, une découverte que je vous propose. Ça s'appelle Le Monade. C'est un groupe qui vient tout juste de lancer leur mini-album et est disponible maintenant sur, entre autres, via leur site MySpace, qui est le www.myspace.com/lemonade de Le Monde. C'est ça, tout simplement, comme ça se dit, Le Monade de Le Monde. C'est un groupe qui ressemble un peu au groupe Polype, je dirais. D'ailleurs, on fait quelques spectacles ensemble, les deux groupes, et puis c'est pour ça qu'on va écouter tout de suite la pièce Super Humain de Polype, et ça va être suivi de La Rivière aux Chiens à l'Océan Indien de Le Monade. On écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche. appliquer les freins sur une route maganée, déminée par le doute des lieux mal éclairés. T'as manqué une courbe et le short a craché. Tu traverses la neige, le pare-brise qui casse. Et ton corps aussitôt hélico projeté par-delà quelques vrais, quelques accélératés. Jeté en deux temps, toi ta caisse renversée. Prends le volant, la route et puis le champ. Traverser le verre comme on sort de sa mère. Vu la somme des entorses, vu le sang sur le corps, ton âme flanche et divorce. Si j'étais là, je te parle de toi. Fais les chambres et pour ton corps finir jusqu'à ce que tu t'endormes. Parmi l'eau crayonnée, l'aquarelle incendie, t'es bercé par le vent sur un lit de gravier. Et partout sous ta peau, le sang a dessiné des fleurs fanées, des chrysanthèmes qui disent. Et on fait un gros plan sur ton corps en fadesse. Le pare-brise que tu moches et mes diarrhées font commun à la route. Tes yeux brûlés, car heurtés emboutis dans les archipels de verre, heurtés par l'oubli et l'absence de lumière. Vu la somme des entorses, vu la somme sur les glaces, vu le temps de la planche des images. Pierre Mika avec la pièce L'Accident qu'on vient juste d'entendre. Avant ça, c'était Le Monade avec une pièce instrumentale. Il y a d'autres pièces où il y a des paroles. C'est pas seulement de la musique instrumentale que font Le Monade, mais c'est une musique qui est assez progressive, un peu au style de Polype, mais c'est ça, beaucoup de pièces de 5 minutes et plus. Donc, étant donné que c'est pas un groupe qu'on connaît tant que ça, j'ai choisi une pièce plus courte et puis c'était finalement la pièce instrumentale de Le Monade qu'on a entendue maintenant. On va aller écouter une pièce de Chinatown, une pièce qui est extraite de leur album, leur premier album complet, Cité d'or. Moi, je les ai vus en spectacle la semaine dernière au Oshéaga, à travers vraiment un paquet d'autres groupes que j'attendais beaucoup plus que Chinatown, parce qu'en fait, j'avais écouté cet album-là, Cité d'or de Chinatown, et puis la raison pour laquelle là, je vous parle pas des autres groupes, c'est parce que c'est à peu près le seul groupe francophone que j'ai vu dans toute la fin de semaine. Il y en a pas énormément, et puis vous savez, le créneau de l'émission ici, c'est simplement musique francophone, donc je parlerai pas de tous les excellents shows que j'ai vus la semaine passée, mais j'ai été surpris par exemple de Chinatown, parce que j'avais écouté l'album Cité d'or et je l'attendais avec beaucoup d'impatience avant sa sortie, cet album-là. Et quand il est sorti, j'étais un petit peu déçu parce que le son de l'album est assez uniforme, pas beaucoup de surprises sur cet album-là. On connaissait déjà une ou deux pièces qui étaient sur le démo, et puis ça reste assez semblable du début à la fin. Quand on écoute l'album, des fois c'est un peu trop homogène, donc J'avais été un petit peu déçu tout en aimant quand même l'album Cité d'or, je l'ai écouté beaucoup, mais vraiment en spectacle, j'ai adoré ça, puis on ressent pas du tout l'homogénéité de leurs pièces en spectacle, ça bouge beaucoup, puis ils ont vraiment un très bel esprit sur scène, ils sont un peu théâtrales, le chanteur en tout cas, vraiment le fun à voir, c'est dommage, par contre le spectacle durait seulement 30 minutes, puisque c'était en formule festival, donc c'était un petit set de 30 minutes, mais ça m'a vraiment donné le goût d'aller voir un spectacle complet de Chinatown, donc je surveillais ça, si jamais ils passent dans le coin à Trois-Rivières, c'est sûr que je vous en parle. Sinon, on se reparle d'une prochaine date, peut-être pour Chinatown prochainement, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment envie d'aller les voir. Mais pour tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écouter avec la pièce Apprendre à danser. Tiens, pourquoi pas, c'est l'extrait officiel de leur album. Ça joue un peu partout, sur d'autres zones que vous avez peut-être entendu dans l'autobus ou à l'épicerie. Mais ça n'a pas joué tellement ici, assez fou, puis super bonne. Donc, on écoute Apprendre à danser de Chinatown à la dernière porte à gauche. C'est rouge et j'ai le mal de mer. Je cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris. Pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Viens, sortons dehors. Au fait, remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au diable beau vert. Ce meat market gardé par des mercenaires. Il fait plus chaud ici que l'été dans le métro. Et je reste songeur pendant que tu sautes. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait Vous êtes toujours à l'émission La Dernière Porte à Gauche en compagnie de Kiwan. Et puis, pour la deuxième partie de l'émission, on va réussir finalement, je pense, à avoir quelques nouveautés. On en a déjà eu une au début de l'émission, mais c'est promis dans environ 3-4 minutes. On va entendre la nouvelle pièce du groupe Éléphantine. Leur nouvel album, en fait, leur premier album complet va être disponible en magasin le 25 août. L'album s'appelle Le Bonheur en 3D. On va entendre la pièce titre de l'album dans quelques instants. Mais juste avant ça, on écoute Le Mieux de la Mort avec la pièce Se taire sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Je me réveille seul, je n'ai Je me suis réveillé dans les crocs de mon patron. Quand j'y repense, mes nerfs, c'était des autoroutes. Qui s'écroule en silence. Le groupe Lila Dissa avec la pièce New York Froid, c'est ce qu'on vient juste d'entendre. Avant ça, il y avait la nouveauté d'Éléphantine. En fait, c'est la pièce titre de leur futur album. C'est disponible à partir du 25 août. Il y aura le lancement le 25, puis après ça, il y a une petite tournée. Il y a déjà plusieurs dates qui sont annoncées sur leur MySpace. Surveillez ça pour la tournée d'Éléphantine. C'est à peu près assuré qu'ils vont passer dans le coin ici. Il n'y a pas de date d'annoncer encore pour Trois-Rivières, mais le groupe vient de pas très loin ici. Il vient de la Mauricie. Ils font souvent des spectacles ici. Dans la dernière année, il y en a eu 3-4, je pense. Donc, c'est sûr qu'avec un nouvel album, Éléphantine va être de passage à Trois-Rivières cet automne. Surveillez ça. Maintenant, on va aller écouter une pièce de Vanesse Pariétaire. Je vous rappelle que l'album de Vanesse Pariétaire est toujours disponible en téléchargement gratuit sur le vanessepariétaire.com. Et la pièce qu'on va écouter tout de suite s'appelle Bois Vert. C'est la deuxième pièce de cet album. La mer était vide. Et puis après ça, on va avoir Une autre petite nouveauté, il y en a plusieurs aujourd'hui dans l'émission, c'est le groupe Duo Tang. C'est un groupe qui va d'ailleurs être en spectacle en fin de semaine avec Vanessa Parietar. C'est comme ça que je les ai découverts. Je connaissais pas, moi, Duo Tang, donc je les ai découverts via Vanessa Parietar. C'est un groupe folk, c'est du indie folk pop, je dirais. Ça ressemble un petit peu, comme comparatif, je pourrais parler de Trois gars sur le sofa. Dans la naïveté des textes, il y a des ressemblances, puis sinon, ben c'est assez acoustique, là, voix-guitare, donc c'est sûr que la comparaison est assez facile à faire, donc vous verrez Duo Tang, ça s'en vient tout de suite après Vanessa Parietar avec la pièce Bois vert, assez fou, 89.1 FM. Mon cahier contient moins de feuilles que de barres de feuilles qui ont été arrachées pour t'écrire des messages, pour te lancer des avions. Si tu le déplies, dedans c'est marqué. Veux-tu sortir avec moi avec deux carrés que tu peux cocher? Surplie le papier d'une manière que juste les filles savent faire. Quand je tire sur le bout qui dépasse, je vois que te fais un autre carré avec écrit peut-être à côté. Un petit bonhomme qui me fait un clin d'œil. Noir dans le cinéma, on voit pas vraiment le film. Y'a de la brume qui nous cache, on communique avec des signes. Je fais un cœur dans ta main, tu fais un sourire dans la mienne. J'écris des mots et je trace des chemins. J'mets là où on t'évène. Mon cahier contient moins de feuilles que de barres de feuilles qui ont été arrachées pour t'écrire des petits mots. D'ailleurs, y'en a beaucoup qui sont barbouillés parce que c'était pas les bons et moi je voulais que ce soit parfait. Alors j'ai fait des petits dessins, pas trop loin de la marge. Un cœur des oiseaux qui s'envole, un peu comme le temps qui passe. J'espère que tu vas garder mon mot quelque part dans une boîte et que dans 10 ans, on va le retrouver. Dans la classe on dérange, la professeure est pas contente parce que nous on parle tout le temps ou on la regarde en ricanant. Mais au moins on est heureux, au fond c'est ça qui est important. Pourquoi se compliquer la tête quand on n'est pas encore grand? Mon cahier contient moins de feuilles que de barres de feuilles qui ont été arrachées pour t'entendre mes idées. Mon cahier contient moins de feuilles que de barres de feuilles qui ont été arrachées pour que t'entendre mes idées. Mon cahier contient moins de feuilles que de barres de feuilles qui ont été arrachées pour que t'entendre mes idées. We'll be right back. le nom avec la pièce Jus de garçon. Et puis avant ça, vous avez peut-être remarqué, d'après les descriptions que j'en ai fait, les pièces ont été inversées. Là. J'avais dit Vanesse Pariétaire juste avant du Hautang, que ça a été inversé. En tout cas, peu importe, vous aurez entendu une pièce acoustique. C'était du Hautang, un groupe que vous connaissez peut-être pas. En tout cas, moi, c'est une découverte que j'ai faite cette semaine. J'aime bien ça. C'est assez naïf et simple. C'est efficace. Donc, du Hautang, allez voir le www.myspace.com/duhautang. L'émission est déjà terminée. Il reste quelques minutes. Pour ceux qui écoutent en direct les vendredis, c'est les lutins de l'enfer qui s'en viennent. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui écoutent en direct, que le Festival de la solidarité musicale Whitewood chez Mike, c'est en fin de semaine. C'est les 7, 8 et 9 août. Rami Reynaud était venu nous en parler la semaine passée. Donc, moi, je m'en vais là tout de suite. Je finis l'émission et puis je m'en vais faire un tour du côté de Saint-Boniface pour voir les spectacles du Whitewood ce soir. Et puis, on va terminer l'émission avec une pièce qui n'a pas vraiment rapport avec le Whitewood, mais peut-être un petit peu plus avec le Festival Urbain qui s'en vient dans deux semaines ici à Trois-Rivières. Vous savez, les palmarès vont être diffusés en direct de là-bas le 21 août prochain. Donc, Festival Urbain, vraiment intéressant, même pour ceux qui n'aiment pas le hip-hop, je le dis souvent parce que moi, je suis allé faire un tour l'année passée puis j'ai été vraiment surpris parce que je ne suis pas à la base un très grand fan de hip-hop, mais il y a tellement d'autres choses, c'est tellement beaucoup plus. Donc, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. C'est du 20 au 23 août prochain. C'est dans le centre-ville et dans le parc portuaire ici à Trois-Rivières. Et on va se laisser avec le groupe Gatineau, mais je tiens tout de suite à dire que Gatineau ne sera pas au Festival Urbain. Là, si vous voulez voir la programmation complète, allez au www.festivalurbain.com, je crois, mais je ne suis pas sûr si c'est ça l'adresse exacte, mais bon, c'est assez facile à trouver. Donc, on écoute Gatineau, mais ils ne seront pas là. Donc, on se laisse avec ça. Bye bye. Hey! Bon, bah, OK, là. Approchez-vous un petit peu, là. Je vous trouve loin. Êtes-vous dedans, là, pour un autre cette carrière, là? Parce qu'on est que nous autres, les petits gars du groupe Gatineau qui vont venir nous pousser une belle petite surlite, là. Comme la soirée canadienne, j'pars tout ce qu'on est partant pour faire, part à l'ancienne. C'était traditionnel avec une touche additionnelle. Quand je ramasse avec une paire de pince large, puis je me sens fané quand je l'ose. Mais c'est quoi dit, papa, c'est quand même bien. Est-ce que me veiller dans ta avec ça nécessite de faire temps? On va crisser des bulles d'abois, est-ce qu'on dit ça la nuit? Sortir l'accordéon, on s'attend tout de suite. Je vois les hommes de bas. Les hommes de bas, je vous vois, drette là, y'a pas ta paire d'ex, ça sort bras dessus. Mais si mon nez est sous, mais si mes consorts disent, c'est ça la donne, est-ce tu? Je vois avec toute la paroisse, va moi, je vous n'y a pas caisse. Vous levez sur vos chaises, y'a comment ça presse? Quoi d'assis sur sa caisse? Oh, qui fait chaud, ouais, c'est dingue comme dans une fournaise. Là, ça te corrige, jamais je corrige, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Puis vous corrige, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois ton assistance, ça va débrouiller. Ça te corrige, jamais je corrige, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Puis vous corrige, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois ton assistance, ça va débrouiller. Hey, je crois que ta visite, hein, faut qu'on en profite. Rapport que ça rit pas souvent quand ça déboule la mythe. Je veux toute la parade, t'es fesses ta dread, elle m'a spit. Oh, participe à bac, tu participes. Ça marche, en avance en tasse. Que personne jase pendant que le joint se passe. Bibo sort tes passes, mais si tu veux pas que ça brasse, t'étais mieux une petite tasse. Tu veux savoir qu'est-ce que je sais que ma grand-mère? Et qui vit pas, c'est de tout à ceux qui en veulent. T'as sauvé un de ces trois qui est bûcheron. Tu vois dans mon live, dans ton cochon. Tu viens d'un village, des beaux en fond. Laisse ta gêne droit, on donne toi bon. En crescent de la crête, c'est gâte. C'est ce qu'il y a pas pour faire sauter à cabane à sec du planche au plafond. Ça c'est toi, jamais je crois, c'est pas ta forêt. Va rester personne à la place des forêts. Puis vous courez, c'est pas ta noyer, c'est pas ta voyer. Je vois toute l'assistance, j'en m'en débrouille. Je laisse courir, jamais je courir, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à la place des forêts. Puis vous courez, c'est pas ta noyer, c'est pas ta voyer. Je vois toute l'assistance, j'en m'en débrouille. Les filles des patrouilles, les gars des bars tiroyent. L'assistance est perpillée, rapide chance de pareil. Crioyer! Je m'étonne la langue, elle l'aime rapoyer. Par mon papa, pas de sky, par mon papa, pas bégaye. Par mon papa, merde sky, par mon papa, dormi doigt. Mais reste pas planté là comme un estiviste au-dessus. Bouge ton cul comme sur une toute de monsieur pointu. Avec moi dans la cabane, ça se passe comme dans le temps des fêtes. Ça se passe comme dans le temps de nos ancêtres. Oh, ça chiche qu'attaque la tonne arrête. Fait que je veux pas de snob, de bad boy pis die bite. Je white toute la paroisse, va moi, je suis mon abacaise. Vous levez, tu vas chasse, y'a. Comment, ça passe, c'est foré. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à la place des forêts. Puis vous courrie, c'est pas ta noyer, c'est pas ta broyer. Je white toute l'assistance, va moi débrouiller. C'est à cette forêt. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à la place des forêts. Je vois toute l'assistance à mon débrouille.